Ce couloir, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Dans cette cellule isolée, loin de la ville où je suis né, on m'a condamné. J'attends qu'on vienne me chercher. Dans mes fontés, on m'a condamné. La mort ne me fait pas peur. Continuera de tourner. De tourner, avec moi ou sans moi.